Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Bien content d'être là. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Donc, merci bien à Vanessa Elisabelle de l'Arc du Canada, bien sûr. Merci également aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CKJM Chética, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe et de la région de Barrie en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser ou rediffuser l'émission. Et bien entendu, suggestions, commentaires ou même contact d'artistes, vous m'envoyez ça à canrockcdn au commercial gmail.com. Voilà. Deuxième heure, donc deuxième partie du bloc de l'Est Québec-Ontario. Et on va commencer ça avec de la musique. Ben, ça va être de la musique de dance, bien entendu. Donc, c'est parce que mon bon ami, M. ZPN, lancera un nouvel album le 28 mars prochain. Du côté d'Ottawa, entre autres, au bistrot traiteur Épicure, devrais-je dire Gatineau, ça sera du côté de Gatineau, et son album Zaire King, avec deux chansons qu'on connaît déjà, soit Amène-moi, qui comprend le duo Two, et aussi Sexy Chocolat. Donc je vous invite à aller faire un tour sur son site internet. C'est ZPNZIK, donc ZPNZIK.com. Allez découvrir son univers. Voici ZPN. On s'en fout, feu, j'ai des braises dans les yeux. Balle poussière, appelle-moi demi-dieu. La haine dans leurs yeux, j'emmerde les rageux. Mon swag, le beau temps, il pleut. Fais ce que je veux, tu restes le ventre creux. La mi-fa est bénite, obligé que je sois heureux. J'ai le teint qui fait peur, la couleur des banlieues. Parti du Congo avec mes bottes de 7 lieux. Respecte mon prochain, mais ne crains que Dieu. Peace and love pour un monde meilleur. Peace and love pour un monde moins odieux. Yeah. J'ai pas d'amis que des followers. Même les haters ont des haters. Même tes frelons deviennent amers. Un petit conseil, surveille tes arrières. On est ensemble, ouais, mais j'y crois plus. Spéciale dédicace à tous les faux culs. Ça les blesse de te voir dans une belle caisse. Mais laisse nous traverser sans caisse sans cesse. Que de la pure secla. Sexy chocolat. Africaine, antillaise, haïtienne, you black and beautiful. Sexy chocolat. Pas besoin de perruque, non. Pas besoin de tissage, non. Tout naturel. Sexy chocolat. De près, amour secret, 24/7. des quatre saisons. Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison. Franco avec Sans raison, mesdames et messieurs, et de l'excellente musique dance. Et c'est plus que ça, c'est plus que de la musique avec M. Leflo Franco. Il y a aussi le DJ Un Pierre. Et ensemble, ils organisent des soirées haute vibration. Les prochaines, eh bien, ce sera le 6 avril du côté de Ottawa, ainsi que le 4 mai. Et le 9 juin, du côté de Kingston, c'est des soirées où ce que la musique dance roule beaucoup et beaucoup de DJ également. Donc, des belles soirées pour vous faire swinguer, danser, bouger et avoir beaucoup de plaisir. Donc, allez faire un tour sur... Vous faites le flow Franco sur Facebook et vous allez découvrir son univers. C'est vraiment exceptionnel. Donc, le flow Franco qui présente ces soirées-là, haute vibration. Je vous rappelle les dates, 6 avril et 4 mai du côté d'Ottawa et 9 juin du côté de Kingston. Cela nous amène à notre bloc de musique instrumentale. Et je suis un peu éclectique ce soir, je l'avoue, mais quand même, c'est des pièces que ça fait longtemps que je n'ai pas tournées et je vais vous les faire entendre avec grand plaisir. V'là X nombre d'années, pour ne pas dire X nombre de décennies, il y a le groupe Barachois qui avait sorti l'album Naturel. Et sur cet album-là, il y avait une pièce instrumentale qui était autre chose que de la musique folklorique. Lorsque je l'ai entendu la première fois, je me disais « je connais ça, c'est quoi? » Et dans le refrain, et c'est tout instrumental, sauf avec des vocalises. Donc, dans le refrain, j'ai reconnu que Barachois avait enregistré la chanson de Simon and Garfunkel, The Boxer. Et très, très belle version, vraiment magnifique. Je vous fais entendre ça. Tantôt, je vous parlais de quatre virtuoses, Christine Tassan et Les Imposteurs. Eh bien, une des Imposteurs a sorti un album solo, je pense que c'est en 2015, je ne me trompe pas. C'est Blanche Baillargeon. Et c'est son album Paysage du jour tranquille. Excellent album. Un peu latino, mais très planant, très balade, vraiment merveilleux. Et on va entendre la pièce Petite valse de Blanche Baillargeon. Et vous allez voir, c'est vraiment magnifique comme pièce. Et en allant dans un autre style instrumental également, on va entendre À l'intérieur d'une nanoseconde, tiré de l'album Ascension, qui était le premier album de Sean Ferguson, qui vient tout juste de sortir Résilience, un nouvel album plus complet. Je pense qu'il y a 10-12 pièces instrumentales sur cet album-là. Mais pour l'instant, on va se rappeler un beau souvenir avec À l'intérieur d'une nanoseconde. Mais là, on y va avec Barachois, The Boxer. Thank you.